écrasait ses tout premiers mégots sous ses talons usés. Fidèle depuis 20 ans, qu'ils l'ont jamais lâché. Il s'en vante souvent, ça peut dire qu'il est fier de ses vieux godillots qu'on fait mille fois Nanterre. Place du Trocadéro pour aller voir faner sous 3 mètres de terre celle qu'il a épousée en partant à la guerre. L'heure d'oublier qu'on n'y gagne jamais, qu'on finira tout rond. Gars comme si c'était vrai, et les décis défilent comme des mannequins, comme toutes ces coquines dont il ne connaît rien, qu'il ne goûtera jamais. Même du bout des lèvres, il faut pas trop rêver. Ça me donne la fièvre qui dit qu'il en fait rien, qu'il s'en ronge les mains. Comme ces boyaux auraient besoin d'air frais, de reprendre à zéro, mais qui finiront là contre cette table en bois. Et croyez-le ou pas, personne ne s'en apercevra. Et croyez-le ou pas, personne ne regrettera un poivre de plus ou de moins, dont la chaise sera demain usée par un autre que lui. Et c'est 50-50. Minuit, l'heure du dernier demi, l'heure de se rappeler qu'on est encore en vie. Que cette boîte en bois et en verre jauni, c'était pas le paradis. Et même loin de là, et ses yeux pleurent déjà. Dehors il fait si froid, mais il faut bien rentrer chez soi pour affronter l'insomnie qui dort au fond de son ennui et du froid de son lit qu'il a fini par détester, qu'il ne rêve plus que de quitter.